Gaétane, ma belle Gaétane, savais-tu que Iggy Pop cultive son propre jardin? Cet été, Iggy cultive son jardin. À chaque été. À chaque été. C'est pas nouveau, là. C'est pas depuis 3 semaines, là. Mais j'espère, parce que c'était en congélation. Ben, pas lui, là. Lui, pas en congélation. Son coin de terre non plus. Quand t'as de l'argent, tu prends le soleil, là, les cancers de la peau inclus, la chaleur intense venue du Nirvana. Oh, monsieur, je l'ai pas rencontré hier soir, lui. Nirvana? Ah, mais Kirk, oui. Kirky? Kirk Urban. OK. Sinon? Sinon, il y avait les cheveux. Les cheveux? De Kirk Urban. OK. Et le génie de Kirk Brand? Oh, il était pas là. Ah, son génie était parti. Oh, il était... En liaison avec... les mots, la poésie, l'invitation à nous faire entendre des choses étonnantes. Oh, c'est très bien ça. Alors, saviez-vous, on va le savoir, là, si tu te calmes un peu, mon petit... Mon petit enfant joue dans la prairie. Saviez-vous qu'Iggy Pop, Iggy Pop, cultive son propre jardin? Entre légumes, il y a une bonne communication. Ouais. Entre légumes, ben oui, entre les petits poireaux. Oui. Les petites carottes. Les qui? Les carottes. Les carottes sont cuites. Les carottes sont... Hey, madame... attendez. Madame Elliot Nice. Elliot Nice. Nice. C'est une... Non, pas... Madame Marouane, pas ça. Madame Nice. Oh, c'est beau, Nice. C'est beau, mais c'est chaud. C'est beau, c'est chaud. Il y a du soleil. Non, c'est pas ça, non. Madame Elliot Nice. C'est Reynald. Non, ça peut... C'est Reynald. Voyons donc, le D. Mais c'est ça, j'ai oublié de mettre quelque chose pour protéger la dentition. Ben voyons donc, tu parles de l'amateurisme. Bon, l'amateurisme est ici. Reynald aussi, tout va bien. Nous sommes ce soir en compagnie d'êtres extraordinaires qui nous écoutent. Oh, c'est qui? Ben, c'est vous! C'est moi! Non, mais pas juste toi, là. Enlève, non, retire un peu de ton dos des problèmes liés à ton mal de vivre. Le mal de vivre, que l'on veut vivre, vaille que vivre. C'est peut-être à Saint-Germain ou dans le creux de mes mains. Madame, celle qui boit, non pas qui boit, qui voit tout. Qui voit les lignes de la main. Ben moi, écoute, je les vois, oui, et puis... Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y a une petite crotte. C'est pas une petite crotte, c'est une saleté. Oh, c'est une saleté, excusez-moi. C'est quoi la différence entre une crotte et une saleté? C'est que à l'oreille, c'est plus tendre. Oui. C'est plus poétique. OK. Je vois entre cette saleté une vie bien exaltée. Une recherche de solitude à travers des murs qui s'insurgent. Les murs qui s'insurgent. On demanderait aux murs de cesser de s'insurger. Hein? C'est important. Puisque le trouble vient de là. Tout le peuple qui bouge la nuit, qui ne dorme pas, ont ce chaos interne-là. Fait noir. semble qu'il fait plus noir qu'hier soir. Gaétane qui n'est pas entrée encore. Ouais, c'est vrai qu'elle travaille de nuit, là, mais... Ça fait quoi? Ça fait 26 ans qu'elle travaille de nuit, là. Semble qu'elle t'aura... Elle rentrera pas à soir. Il fait chaud ici. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre. Hein? Où sont les fenêtres? C'est pas, excusez-moi, là, vous parlez du groupe? Oui, le groupe Les Fenêtres. Ben, c'est pas les fenêtres, c'est les Doors. Oh, où sont les Doors? Ben, ils dorsent. Ils dorsent des jazz à 7h06. Voyons, d'onze. Que font-ils là, pour de slaz? Oh, plus grand-chose. Là. Jim est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Il s'est enfoui! Appelez toutes les coordonnées, peut-on avoir la police? Allô, la police? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, il va nous... Non, on veut avoir la police, s'il vous plaît. Moi, il y a un monsieur ici qui parle, qui dit un texte, mais on peut pas l'entendre. Pourquoi on peut pas l'entendre? C'est parce que c'est... Oui, ben on a ici un schéma d'émission, un presque schéma. Et puis lui, vous l'entendez, hein? Il arrête pas. Mais. Mais. Mais. OK, OK, là, c'est bon. C'est bon. OK, on y va? Est-ce qu'on peut appeler la police? La police? Oui. Bon. Hey, on a essayé de vous rejoindre depuis à peu près 3 minutes, là. Oui. Est-ce que ça se peut que la ligne soit occupée? Oui. La ligne est occupée? Oui! Ben non, on raccroche. On va raccrocher, madame. Oui! OK, rappelez-nous pas, là, parce qu'on va discuter avec le maire. Le maire. Et quelle heure? Il est trop tard. Voyons donc, toi. Minuit 14, il doit pas dormir, lui. Monsieur le maire? Oui! Oh, monsieur le maire, c'est Renan Gagné de Rance Grenadine. Bon, on fait une émission à CKRL, la meilleure radio à Québec, là, vous le saviez? Oui, oui. OK, vous nous encouragez, on vous embrasse, on vous aime, puis vous êtes un homme merveilleux, là. Oui, oui. OK, sauf que là, il y a quelque chose d'important, de très important. Quand on appelle à la police, là, est-ce que ça doit quelquefois être engagé? Oui, oui. Oh, à quelle occasion, là? À quelle occasion tout ça doit être engagé? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que parce que c'est moi? Est-ce que parce que j'appelle souvent? Je suis un être qui dérange les forces constabulaires? Je suis sur la liste noire? Monsieur le maire, si je suis sur la liste noire... Non, non, c'est un moment tendre. Un moment tendre. Tendre. Non, c'est un moment tendre. Monsieur le maire... Écoutez-moi bien. Vous m'entendez? Oui, oui. OK. Je sais que vous allez vous endormir dans quelques secondes, là. Ça s'entend. Oui, mais là, attendez, là. Je sais qu'il y a des individus. Non, c'est Claude Poirier. Claude Poirier m'a pris ça. Qui? Claude Poirier. En tout cas, c'est pas important. OK. Il y a des individus, monsieur le maire? Oui, qui s'imagine... On se comprend? Oui, oui. Bon, moi, j'aime ça. Je dis rien, puis... mon ancien monde était comme ça. Je disais, salut, OK, je le sais. J'ai rien dit, hein, je le sais. Oui, je le sais. Habille-toi, là, c'est pas... Non, je le sais. Mais voyons donc, tu le sais, tu le sais. Tu sais pas, là. Voyons donc, j'ai invité 3 de mes amies. Oh, mon Dieu, c'est qui? C'est des Goldies. C'est pas les Goldies, des Goldies. Des 3 des Goldies. Ils sont très dégoldisés, c'est vrai. Excuse-moi, en guillemets, là. Très dégouldisé, mettez ça en guillemets, madame. Des gros guillemets gigantesques. On veut rentrer dedans lentement, là. On aime ça. On aime ça quoi? Rentrer des guillemets. Un coup de guillemets. Un coup de guillemets. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Un coup de guillemets. Allô? Monsieur le maire, vous êtes encore là? C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes merveilleux, extraordinaire. Un grand, grand, grand artiste. Vous auriez voulu être un altiste, mais vous l'êtes. Vous le saviez? OK. Mais là, on va vous lâcher la lunette. La lunette. Lululu, nananananan, lunette. Pas Jeannette, lunette. Quoique, Nanette. Non, Nanette. Incroyable, Nanette, hein? Oui, souffert pour langage d'affaires. Cœur solitaire, hein? Cœur solitaire. Au coin du repère, je vous serai comme Marilyn. Le maire? Je suis là, je suis là. Il y a eu une interférence entre Nanette et moi. N'en ai pas appelé la police, ça risque d'être engagé. Non, mais je sais, là, je suis un opportuniste. Un colporteur. Mais là, c'est terminé, monsieur. À partir de... dans quelques jours, là, plus de communication avec personne. Il n'y a plus rien qui va se passer, là. Plus rien. C'est la fin. C'est la fin de tout. Alors, je vous libère de tout soupçon. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne continuation, monsieur. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. Je les remercie. Puis ils sont avec moi dans mon cœur. Ils sont avec moi dans mon cœur et pas ailleurs et pas ailleurs. C'est beau. Hein? C'était monsieur Grenier. On dirait que vous êtes un grand entourloupeur. Est-ce qu'on peut entendre le texte? Oui, on y va. Oui. Ah non, attendez, madame, c'est ici. C'est ici. L'inventaire de nos vies, de nos rêves, nos amours, morde la calculatrice qui s'attriste. La somme de l'inertie surprend le résultat. Trop d'attente pour si peu de réussite. On frappera bientôt et on ouvrira face à la mort qui nous aspirera la totalité de nos années passées à s'endormir sur nos chimères. Oui, merci. C'était beau, mais le « hein », c'était de trop. Il n'y a rien de trop là-dedans. Il n'y a rien. C'est comme dans toutes les pièces de viande, il n'y a rien. Tout est calculé. On les a créés pour ça. Pourquoi perdre le poil de Sibérie si on ne peut pas se faire un collier? Ben oui, on a un collier en poil de Sibérie. Ben oui, le mammouth de Sibérie. Il y en a encore 250 millions sur Terre actuellement. Surtout sous la terre, là, et parce que leur mission, là, OK, leur ADN, c'était de creuser. Comme les fox terriers. Les fox terriers, là, c'est le nez dans le nez. Hein? Le nez dans le nez. Mais j'en connais qui ont le nez dans le nez. Ben oui, mais là, ça, on ne peut pas les nommer, là. Ils sont ciblés. Oh oui, c'est vrai, on les a arrêtés. Non, mais on les arrête tranquillement. On a une liste. Une vraie belle liste, puis tranquillement on dit « OK, Rainer Marie and Marana est arrêté. » Pourquoi? Parce qu'il avait le nez dans le nez. Oh! Et puis Didier, le grand donné. Non, c'est pas le Dieu bonnet. Le Dieu bonnet, ça c'est l'humoriste là, scandinave, qui faisait de l'humour noir. Mais le soir, les gens avaient peur. Le trouble, hein? ça naît dans la noirceur. Ils l'ont arrêté. Ils disent, non, je suis un incompétent. Je suis un... Je ne connais rien. Je suis à la recherche de tout. Ben, on sait que tu cherches tout. C'est pour ça qu'on t'emmène là-dedans. Là. Tu vas te connaître toi-même. On va te refaire ta naissance première. Quoique la naissance, c'était normalement, c'est premier. Deuxième but, troisième doigt. Ici, je me souviens, mes prédécesseurs, ils m'ont dit « Vas-y, mon petit champion, s'il n'y en a pas, tu rajouteras des oignons. » Oh. Monsieur le Président, monsieur les potes catholiques, les oignons, excusez-moi, madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas... Kimi? On se rend pas. Non, on se rend pas au deuxième but, nous. Ah non, puis c'est pas... Il l'a marqué! On marque pas. On n'a pas une scène. On peut pas vous placer sur notre liste, là. C'est quoi, vous avez acheté quoi? de l'amour. Ouais, c'est à rabais actuellement, l'amour. L'humanisme aussi. Mais non, continuez, moi je vous conseille, là. Restez dans le milieu de la rue, on va venir vous chercher. En ambulance. L'errance rénale tienne complice de. Je dis ça souvent. Je devrais arrêter. Faire mon humour. Sans aucun autre regret que j'ai mon ami. Hein? Pardon? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites? Je dis rien. Je me parlais. Ben oui, à la radio, c'est très bon, ça va parler. L'errance rénalienne, non, continue à te parler. Les gens vont être là, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, il dit rien. Il n'y a pas grand-chose à dire, lui, là. À part la date, la météo, puis est-ce qu'il fait froid? Attendez. Il se rentre le doigt dans la bouche. Ça, c'est bon. Ça. Non, mais tout météorologue devrait avoir une conscience sociale, c'est-à-dire se rentrer le bois dans la mouche et se dire, oui, le vent vient de là. De là, ben de là. Ben oui, mais pointer, ça dit rien, mais... Quand j'étais à l'école, tout le monde me pointait. C'est lui. Je courais devant le jardin. Puis là, je voyais Iggy Pop qui me disait, c'est un chitron. Un chitron, ça passe pas dans l'eau, ça. Mais non, c'est une grenouille. La grenouille est dans le citron. Oh, mon dos. Hey, faites chauffer votre grenouille à 350. Rentrez-lui le citron dans la bouche. Là, est-ce que, quand on parle de la grenouille, est-ce qu'on parle d'une bouche ou d'une gueule? D'après moi, ce sera une gueule. Pourquoi? Parce que lorsque la nourriture ne vient pas avec les mains, c'est une gueule. OK. Alors, le chien? A une gueule. L'oiseau? Un bec. Quoi, la différence entre une gueule et un bec? La semaine prochaine, nous vous le dirons. Ah non, on ne sait pas. L'errance rénale, on s'en doute. Le bec, c'est en bois. Un bec de bois. Moi, je connais bec de liège. Ça m'a coûté cher. C'est un bec de liège. L'errance, c'est une vieille histoire entre moi et Mario. L'errance rénaldienne, complice de vous de Mario Blaba. Où sont Mario Blaba? Ils s'en vont chanter par là. Mario Blaba. Ah, par là-bas, l'air bi-là-bas. Mario Blaba. Dans l'expédition de tout là. Mario Blaba. Mario Blaba. Mario Blaba. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Mario, blabla, tout. Hein? Donc, j'ai voulu faire comme Dalida dans les années 60. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, c'est toi là-bas dans le noir, avec votre magicien du surréalisme rénal de l'Onéa, Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 28 mars 2014. C'est pas lui, c'est la date, c'est le moment, c'est temporel maintenant. Là. On rentre dans la temporalité. Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut mettre de l'huile? De l'huile végétale. À combien de degrés? 150 degrés, il faut que ça bouille. Ouais, on va s'ébouillanter. Tant mieux. Parce que ce soir, l'émission sera très, très, très chaude. Vous verrez. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Delphine Depardieu. Delphine Depardieu est une actrice française née le 8 mars 1900. Je garderai sa coquetterie. Jamais je divulguerai son âge, sauf sur de grosses souffrances, des ultimes souffrances qui pourront me faire dire n'importe quelle date. 1998, admettons. C'est une actrice adulte? Adulte. très adulte? Adulte. Elle, c'est impossible la date, c'est pas important. Elle est la fille du producteur de cinéma Alain Depardieu et la nièce de Gérard Depardieu. Formée à l'École internationale de la création audiovisuelle et de réalisation, la EICAR, au cours Simon et au cours sans doute Florent. Je sais pas, un peu Simon. Et au cours, de Jean-Laurent Cochet. Elle est vite attirée par la scène et le cinéma. Au théâtre, ces dernières années, et derrière le rideau, elle en a fait de grands pas en avant, en arrière, en avant. Elle se rappelait le texte. Combien saucisses, pour avoir, bien sûr, le rythme dans la peau et la bouche bien préparée à divulguer les textes de nos grands créateurs. C'est très proche. Alors, elle est vite attirée par la scène, oui, et le cinéma. Au théâtre, ces dernières années, on la trouve aux côtés de Roland Giraud, Paul Belmondo et Alexandre Brasseur. En juillet 2013, Errance Rinaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime et incroyable comédienne. Je répète, cette sublime et incroyable comédienne. Un voyage chargé pour cette nuit estival. Voyons donc, c'est l'hiver. Hivernal. Hivernal, c'est déjà trop. OK. C'est jamais assez. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique et le générique nous enchanter? C'est déjà fait. Alors, en avant, la zizik. Plus rien qu'une rage sourde. Impossible à hurler. L'horrible impuissance dont il faut s'accommoder. Encore une fois, s'arranger, négocier avec le misérablement petit, l'insondable connerie. Encore une fois, arracher des trêves et des compromis aux pouvoirs aveugles et tortionnaires où le mépris et la règle et l'injustice, l'immonde nourriture oblige. Fast-food, quel révolutionnaire Kinder surprise, cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food, quel révolutionnaire Kinder surprise, cette époque va nous fournir. Là où le sang n'est plus qu'une image, là où les odeurs ne sont plus ni violentes, ni amères. Là où seul règne les tiédasses sucrées, les pensées peroxydées, les poitrines en plastique, les culs sans odeur, l'argent merde devenu roi, mangeable par l'alchimiste capitaliste, puant l'aftershave et les masques odeurs, l'idole sentira l'horreur et la pisse. Il signera ses œuvres peintes au sang et à la merde d'un trait, où l'anonyme aura remplacé la rage d'exister. La gesticulation absurde, puant la peur, aura enfin une éthique et des règles. Seuls les plus forts survivront. Le spectacle est réjouissant d'avance. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise, cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise, cette époque va nous fournir. Plus rien qu'une rage sourde, impossible à hurler. L'horrible impuissance dont il faut s'accommoder. Encore une fois, s'arranger, négocier avec le misérablement petit, l'insondable connerie. Arracher des trêves. Arracher des trêves, arracher des trêves, arracher des trêves. Négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise, cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder Surprise. Cette époque va nous fournir la négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder Surprise. Cette époque va nous fournir. C'est ça, donc c'est le seul endroit dans le monde où les stops, c'est pas écrit stop, c'est écrit arrêt. Oui. C'est le seul endroit dans le monde. Sinon, c'est fou, ça. Ben oui, c'est parce que on est... Un gaminet, mais je dirais ça, j'ai mis mon gaminet. Et c'est ça, mais là ils vont dire quoi? Là tu es obligé de dire t-shirt. T-shirt. T-shirt. Mais ce qui est marrant, c'est que par contre, quand vous dites un mot anglais, il y a vraiment l'accent américain. T-shirt. Yeah. Ouais, ouais. Ben parce que nous, on dit t-shirt. T-shirt, hein? Oui, oui, c'est ça. Mais on dit aussi t-shirt. Ah bon? Ça dépend des personnes. Aussi t-shirt. Non, mais par exemple, il y a beaucoup dans... Enfin, vous dites beaucoup de trucs anglais. Non, moins que vous autres. Ah bon? Oui. Non. Oui, oui, oui, oui, je te le dis. Nous, écoute, on a chèque de voyage. Chèque de voyage, et nous, on dit quoi, alors? Traveler chèque. Ah, oui. Nous, c'est une pharmacie. Eh ben nous... Drugstore. Ah non, nous, c'est pharmacie. Drugstore, il y en a un. C'est juste un... Mais nous, il n'y en a pas de drugstore. Ah, mais nous... C'est une pharmacie. Non, mais là, le drugstore, c'est un petit peu côté snob pour dire... Non, drugstore, pour nous, c'est un truc où on vend tout. Sur les champs, là, tu parles du drugstore sur les champs. Ben, il y en a partout, du drugstore. Mais pour moi, on dit pharmacie, hein. Ok, ah bon, moi, ok. J'ai toujours dit pharmacie. Ok, ok. Sinon, il y a plein de termes comme ça qu'on garde avec. Mais c'est sûr que courriel vient de chez nous. Courriel, ben. Mais qui a été accepté par la langue française. Ben oui. Balado-diffusion aussi. Mais à l'époque, les pubs, enfin, il est passé un truc comme quoi on n'avait plus le droit. Tu supportes pas? Non, aucun problème. Non. On n'avait plus le droit de dire mail, on devait dire courriel dans les pubs ou dans les trucs, ou à la télé. Ah, c'est bien ça. Parce que, oui, mais maintenant c'est. Non, c'est terminé, ouais. Ah, franchement, ouais. Oui, ils ont gagné deux mois. Ils ont réussi deux mois, mais maintenant, même les pubs, il y a des pubs en anglais. Je voyais ça hier, des pubs sous-titrées et tout. Pour faire. Ouais, mais ça coûte moins cher. Moi j'aime bien. Hein. En fait, moi j'aime bien l'anglais alors. Oui, parce que t'es pas. Entouré d'Américains. J'aime bien les Américains, moi. Oui, oui. Ben, parce que j'y vis pas. Parce que tu n'y vis pas. C'est ça. Non, mais on est Américains. Mais on n'est pas États-Unis. Non, vous êtes Américains. C'est ça la différence. On est Américains, mais pas États-Unis. Ah. On est d'Amérique du Nord. Oui, oui. Francophone. Donc, des Québécois. Ben, Delphine, heureux de te rencontrer. Moi aussi, je suis très heureuse, ne serait-ce que pour une chose. D'abord, je te connais pas, donc c'est bien. Mais ne serait-ce que pour entendre l'accent, moi j'adore cet accent. Ok. Donc je trouve que c'est très agréable. Ben, donc merci. Alors explique un peu ce que tu fais, parce que là j'ai rien compris, il faut le dire quand même. Ah, t'as rien compris? Non, rien. Ben écoute, CKRS c'est une radio communautaire associative libre. D'accord. La première radio communautaire francophone au monde. D'accord. Donc, avant tout ce que tu as vu ou entendu, excuse-moi, non mais ça n'a rien à voir avec la cigarette, je sais pas pourquoi là. C'est les poils de la noun. Non, pas du tout. Mais c'est nous qui avons inculqué à des radios ici, à des radios libres, la manière dont nous, au Québec, on faisait la radio. Donc, on a été les pionniers. Ça fait 40 ans qu'on fait de la radio. Donc, on est des pionniers des radios libres. On est les premiers. Donc, on a montré aux Suisses, aux Belges et aux Français comment on procédait, nous, avec toutes les amplis, les mixeurs, les platines analogiques. À l'époque, c'était des 33 tours. Nostalgie. Et donc, suite à ça, il y a eu des Carbone 14 chez vous. Il y a eu La Fesse qui s'est fait connaître, l'humoriste La Fesse, qui a fait aussi des insolences de téléphone. Là. C'est le bonhomme qui a fait au téléphone. Et puis, ça, c'était la merveilleux. La Fesse, ah oui. Oui, oui, mais ça vient de chez. Ben, c'est bien sûr, non, mais oui. Ça, c'est en fait des gens qui. C'est une radio qui ose aller plus loin. Parce que les radios commerciales, malheureusement, sont obligés de se confiner à un son pour attirer la publicité. Eh oui. Mais chez nous, on n'a pas besoin. Bien. Parce que les gens qui nous écoutent, c'est les gens qui vont payer pour nous écouter. C'est-à-dire... Tu veux de l'eau? Non, merci. Non, c'est terminé. 15h07? Ouais. oui, hein. Et donc, j'écoute. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que je trouve ça tellement beau. Et c'est ça. Donc, la radio, OK, les membres ouais. de notre radio investissent 25$. Oui. Ah oui? 30 euros par année. Pour écouter la radio. Ah oui, donc c'est énorme. Ben non, mais c'est énorme. On n'oblige personne. Non, mais ce que je veux dire, alors, c'est que si nous, tu on aimes notre radio. Non, non, mais en fait, en réalité, si tu aimes notre radio, ouais. tu peux devenir membre. Alors, tu n'es pas obligé de devenir membre, mais tu peux nous écouter sans devenir membre. Ah bon? Oui. Donc, comment ça se fait? Ben parce que, en fait, si tu veux nous appuyer pour continuer, ouais. pour que nous puissions continuer ouais. à diffuser des trucs un peu plus marginaux, ben, il faut mettre de l'eau au moulin, il faut donner de l'argent. Donc, ça, je suis d'accord, oui. Alors, pour les auditeurs qui appuient notre vision, notre côté avant-gardiste, ben, le seul moyen pour qu'on reste vivant, même après 40 ans, c'est de donner des sous à la radio. C'est sûr que tu n'es pas obligé, tu peux nous écouter sans donner de l'argent. Non, c'est je comprends. OK, alors tu peux même nous prendre sur Internet. C'est pour ça qu'à chaque année, on fait des radiotons. D'accord. Une fois par année. On prend 50 heures de notre espace radiophonique pour amener les gens D'accord. à placer de l'argent. Et pourquoi tu viens ici alors? Qu'est-ce qui te... Ben en fait, moi, c'est pas compliqué. Mon émission, c'est une émission de variété où je place 60 minutes d'improvisation, ça c'est en studio, et 60 minutes de rencontres radiophoniques et de musique. D'accord. Les rencontres radiophoniques, c'est maintenant, c'est ici. D'accord. C'est t'as pendant l'été. Qui alors? T'as rencontré qui? Oh, j'ai rencontré Jean-Claude Dreyfus. J'ai rencontré Yann Péchin, qui est un musicien. J'ai rencontré Brad Scott, qui est musicien, qui a travaillé avec Bashung Gainsbourg, qui a travaillé avec 686, qui a travaillé aussi avec... qui travaille encore avec Yvelin, Brigitte Fontaine. Yann Péchin aussi, qui est le musicien de Brigitte Fontaine, celui qui arrange les pièces à Brigitte Fontaine. Et bon, j'ai rencontré Charlotte Hoquet, qui est une écrivaine. D'accord. Et des comédiens, des comédiennes, des gens qui font de la photographie rock dans Rock and Folk, des journalistes de Rock and Folk. J'en ai rencontré deux de Rock and Folk. Et donc, c'est suite à ça, suite à mes rencontres de 8 jours, je fais à peu près 42 rencontres cette année, en 8 jours, je diffuse ça pendant mes 12 mois d'émissions de radio. Donc, Delphine, ça jouera pendant D'accord. 2 semaines, je ne sais pas quand. D'accord. On va voir, on va écouter, puis on va choisir l'après. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours et de terre. Donc là, tu as tous tes rendez-vous, tu les as fait ici, donc... Non, pas ici, mais sur la rue des Abeilles ou pas loin. Donc, pourquoi j'ai pas pu rencontrer ta copine? Non, mais je vais te dire, c'est très simple. C'est parce que lorsque quelqu'un se présente en retard, ça crée un bouchon. Ah, bien sûr. Bon. Alors là, ce bouchon-là, il fallait que je me déplace. Oui. Mais comme je n'avais pas de numéro de téléphone dire... Donc là, j'étais... Et c'est quand je suis arrivé à 2h du matin, je suis allé voir Lou Doyon. J'ai rencontré une artiste après le spectacle de Lou Doyon. C'est quand je suis arrivé à 2h du matin devant mon ordi, je me suis rendu compte que j'ai eu 5 courriels et que je n'ai pas pu répondre parce que moi, je n'ai pas accès au courriel avec mon téléphone. Parce que moi, c'est un téléphone. Ah oui. Ah bon, alors là. Voilà. Wow. Mais c'est pour ça que j'aime bien avoir le numéro des personnes pour si j'ai un contretemps. Ou si on me trouve pas, ben on peut se connecter. Bien sûr, ben tu penses, voilà, oui, c'est pour ça. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Hago lo que hago, es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño. Quiero tu vivir fuera de rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Somos los cielos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo a la cama igual. Que la música militar nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el vino seguir al abanderado. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los bancos, quiero no puedo. En la calle corre un ladrón y ha sacado un ricachón. Sangre guiado el señor y se aplazó el desigador. E se sì che sì, che sarà una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tres de todos a correr, son los cojos, es de creer. Con mucha precisión, ¿cómo acabará la función? No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no hay ningún lío, continúa a robar el camino mío. Que la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todo suele son los muros entre pensar. Je fais ce que je veux de mon corps, car je ne dispose pas de mon sort. Je fais ce que je veux de mon corps, car je ne dispose pas de mon sort. J'apprivoise le transport vers le ciel. J'apprivoise le transport vers le ciel. Vers le ciel. Le ciel. Je fais ce que je veux de mon corps, car je ne dispose pas de mon sort. À mon tort défendant, tort défendant. Le sien face à un vivant, j'ai dû bien serrer les dents pour ne pas faire tomber les siennes. À mon corps dépendant, le mien face à un vivant et cette horrible rengaine de l'amour qui rend dément. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il n'y a rien d'essentiel, et surtout pas l'amour du ciel. L'amour tout court, ok. L'amour toujours, ouais, ouais. J'ai oublié tous les jamais. J'ai oublié tous les jamais. Les jamais. Je fais ce que je veux, mon corps. je fais ce que je veux. Mon corps, car je ne dispose pas de mon sort. J'apprivoise le transport vers le ciel. J'apprivoise les transports vers le ciel. Vers le ciel. Toi, t'es une fille de théâtre, une fille qui a étudié en art dramatique. Exactement. Ton père est producteur. Exactement. Oui. Il est... voilà, mon oncle est Gérard Depardieu, hein, ça c'est... Bon, voilà. Mon père est producteur, qui est un grand producteur. Il a produit à l'époque La leçon de piano, qui était un film qui a eu la Palme d'Or. Et moi, ben, moi j'ai toujours voulu faire comédienne, toujours depuis que je suis toute petite. Et quand on est petite, on dit toujours ah ben, je voudrais être danseuse ou vétérinaire ou des trucs comme ça. Moi, ça a toujours été comédienne. Et puis mon père m'a parce toujours... Parce que t'as baigné aussi, là. Peut-être. C'est vrai que je ne sais pas si c'était parce que, effectivement, j'allais sur les tournages, tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qui me passionnait. C'est qui t'amenait sur les tournages? Mon père, oui. Et puis mon père m'a toujours dit, tu vas... Très bien, parce que c'est très bien si tu as envie de faire ça, si c'est le plus beau métier du monde, si ça fonctionne. Tu passes ton bac d'abord, c'est tu ça? Tu passes ton bac d'abord. C'est tu passes un film aussi de Patrice Lecomte. Oui, c'est vrai. Tu passes ton bac d'abord, après tu fais des écoles de théâtre et puis tu apprends le métier, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé mon bac. Mention. Non, pas de mention, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Okay. Et puis je suis allée au cours Simon. Et après, au cours Jean-Laurent Cochet, que Gérard m'avait conseillé. Parce que lui était allé au cours Jean-Laurent Cochet. Donc j'ai fait ces deux formations-là. Et après, bah, j'ai commencé à travailler dans les théâtres parisiens. Puis en parallèle, j'ai fait quelques petites choses à la télé et des petits trucs au cinéma aussi. Puis j'ai des... De toute façon, un comédien, ça a toujours plein de projets. Donc j'ai toujours des projets de théâtre, mais aussi des projets de ciné qui sont en train de se monter là. Et là, je pars... très bientôt en tournée avec Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, et on part en tournée de septembre à fin décembre, okay. Avec une pièce qui s'appelle Plus vrai que nature. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à part ton père au théâtre? Est-ce que tu regardais souvent ou Mais oui, moi, étant donné que c'est une passion, j'ai toujours été attirée par la scène, par les plateaux de cinéma et par le jeu, vraiment être comédienne, quoi. Donc vraiment apprendre les textes, apprendre la langue, apprendre comment dire un texte, comment se mouvoir sur une scène. Donc c'était vraiment ça, moi, qui me passionnait, la technique théâtrale et la technique du cinéma. C'est deux mondes totalement différents, oui. Mais la technique de comédien à l'intérieur est la même. À l'intérieur d'une comédienne, la façon de travailler un texte ou un rôle est la même à l'intérieur. Après, c'est une technique différente sur une scène de cinéma, enfin sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma. Mais c'est passionnant les deux parce que c'est deux techniques finalement qui ne se ressemblent pas. La nounes aboie. Quand on est sur le plateau. Mais c'est les deux me passionnent, donc j'aimerais. Mon grand rêve serait de tourner la journée et de jouer le soir au théâtre. Je serais crevée, mais je serais heureuse. Et certains le font, mais pas longtemps. Certains le font. Bah non, parce que c'est tellement crevant. Oh, oui. Puis en plus, c'est rentrer dans un rôle pour après ça. Mais oui. Mais ça, j'aimerais bien le faire. Okay. J'espère le faire un jour d'ailleurs. C'est bien parti. Mais trouves-tu que depuis quelques années, il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de comédiennes d'une génération vingtaine? Donc, très peu de boulot pour autant de... Non, mais ça, c'est catastrophique. On est d'accord que là... Ouais. Et puis, c'est de pire en pire. Et puis, en plus, apparemment, il y a quelque chose qui vient de tomber, qui est que les films, les petits films, les films indépendants, les films à petit budget ne pourront plus se faire. Donc, ça va être très compliqué. Pourquoi il n'y a plus de séparation qui sort? Apparemment, là, oui, il va y avoir plus de... Enfin, en tout cas, ça va être plus cher. Les choses seront plus chères. Donc... Donc ça va être difficile de faire des petits films. Donc finalement, Peut-être qu'il n'y a que les stars qui pourront travailler, je ne sais pas, parce que si c'est que des gros films qui se montrent, les gens qui donnent de l'argent ne donneront pas à des inconnus. Alors, c'est ça le problème avec la France. Aux États-Unis, par exemple, on donne la chance. On donne souvent la chance à des gens inconnus, des gens qui commencent. Voilà. Après, si ça ne marche pas, par contre, ils sont oubliés et puis c'est fini. Mais la chance est donnée. En France, c'est plus difficile hein, de faire son chemin, de faire son trou. Après, en plus, en France, quand tu fais du théâtre, on te met du théâtre. Quand tu fais du cinéma, on te met dans le cinéma. Donc, quand tu fais du cinéma et que ça marche, tu as plus de liberté pour faire ce que tu veux. Mais le théâtre, c'est plus difficile puisqu'il y a moins de publicité. En même temps, quand ça commence à rouler au cinéma, tu délaisses aussi le théâtre parce que c'est pas rentable. Et oui, parce qu'en plus, tu peux pas. Si tu tournes beaucoup, pour jouer au théâtre, il faut être à Paris. Si tu tournes beaucoup, tu tournes pas tout le temps à Paris. Donc, mais bon, si tu arrives à travailler, c'est déjà génial. Mais est-ce que tu trouves une certaine affinité quand tu joues avec. Avec des jeunes comédiens, surtout des comédiens de fils de comédiens. Est-ce que tu retrouves une certaine similitude au niveau de la, comment dire, de l'image? Puisque oui, parce qu'en fait, on nous parle toujours de la même chose. C'est surtout similitude. Emmerdant. C'est emmerdant, non, parce que finalement. Non, mais il y a autre chose que ça aussi. Là. Il y a toi en tant que. Bah oui, mais ça, après, c'est à nous de faire notre chemin. Ouais. C'est à nous de prouver qu'on est légitime sur une scène ou sur un plateau de cinéma. C'est pour ça que moi, j'ai voulu apprendre et que mon père m'a dit apprends le métier, comme ça tu es légitime aussi. Tu n'es pas une pistonnée ou qu'une fille d'eux. Tu es aussi. Parce que moi, c'est vraiment une question de passion. Donc, j'ai voulu apprendre pour être légitime sur scène et que ça ne vienne pas que de mon nom. Est-ce que vous vous êtes rapidement compris, les deux? Avec Paul? Et Belmondo, hein? Oh, bah oui. Enfin, non, plus on s'est compris juste parce que nos personnalités. Fonctionne parce que c'est quelqu'un de très doux, de très gentil, humainement vraiment très très gentil, Paul, donc c'est devenu un ami, donc c'est plus comme ça qu'on s'est compris que parce que lui s'appelle Belmondo et moi Depardieu. Ça, on s'est juste compris que quand on fait des interviews, on nous parle souvent de nos ongles et de nos pères, mais sinon non, c'est plus la personnalité qui a fait qu'on avait des atomes crochus, quoi. Est-ce que dans ce métier-là, quand on n'est pas humaniste, mieux vaut faire autre chose, quand on s'intéresse pas à l'humain, parce que c'est ce que vous projetez lorsque vous jouez un rôle, vous jouez des individus autonomes, donc est-ce que si vous êtes à l'encontre de tout ça, si vous vous intéressez pas au genre humain, il vaudrait mieux faire autre chose? C'est pas le fil conducteur de chaque comédien d'être ouvert au monde? Si, de toute façon, oui, c'est vrai que pour le comédien, s'il n'est pas ouvert au monde, il est dans l'embêtement, parce que c'est de ça qu'on se nourrit. C'est du monde, des gens, de l'observation. Donc les rencontres, les gens observer, regarder, étudier la personnalité des gens qu'on a en face de nous, des gens même comme ça, surtout ici par exemple, dans ce quartier-là, c'est un puits de savoir ici. Parce que tu vois, il y a des personnalités tellement différentes et particulières. Les gens s'intéressent, les comédiens en tout cas, on aime bien s'intéresser à l'autre, oui, pour aussi apprendre de l'autre. Est-ce que l'école t'a amené quelque chose ou tu aurais l'école de comédien? Oui, ou tu aurais très bien pu l'apprendre sur le tas? Non, oui, on peut toujours faire ça, mais je trouve que l'école nous apprend des bases solides pour ensuite. L'école, ça nous apprend juste les bases qu'on aura et on reviendra toujours à ces bases pour avoir une pour être solide. Verliert fast die Balance. Gott zu suchen. Nur Augen auf den Stern. Morgenrot am östlichen Horizont. Geht überzeugt in diese Richtung. Dunkelheit. Gräberfeld. Sie tastet sich durch. Diverse Corpus Delicti. Verstreut als Stolpersteine und Fußangeln im Weg. Größtenteils völlig unkenntlich, verstümmelt oder in rascher Verwesung begriffen. Phantasmagorien, die kurz und unvermittelt aufblitzen. Jede Ähnlichkeit mit ihr wäre rein zufällig. Als Frauen, schlecht getarnte Männer, die dick bemalten Lippen mitten im Bart. Blaue oder grüne Kriegslidschatten. Manche mit Gewehren, einer alten Gewohnheit folgend, in den schwarzen Himmel zielend, bunte, blöde Vögel schießend. Andere idiotensicher die Blume im Lauf anlächelnd. Eine Couch. Orgon-Akkumulatoren. Joan Baez. Reißerische Versprecherin in Opferlamm des Sous, am Crew und im Rudel. Geister verwaister Phantome Europa bereister Gespenster. Weltverbesserwisserische Ideen. Eine Answering Machine für letzte Fragen als Selbstschussanlage. Stuhl. Letztendlich, letztmalig eine Hecke brennender Büsche. Licht der brennenden Hecke. Salbader und den alten Salm. Ich finde es nicht. Daran vorbei. Endlich durch verschwindet. Ich bin dahin. zurückgekehrt, wo nie zuvor ich war. Abgang Sie. Now do I understand? sans que le bonne. Son père ressemble à du gâteau et son doigt du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, on l'a fait quand on veut, des pépites au volant, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, la tresse d'un chat échelé ou d'un chien tout rôté comme pour boire. La Jeanne. N'a pas trouvé d'enfant, qu'on aimait qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage, et qu'on arrose avec son époque, qui en serait tout chadine. Et Jeanne, la Jeanne, sans souci pas plus que Colin Tampon, et ta mère que trois boules piquées à quoi bon. Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la mer, de la mer du ciel sont à elle. Quand tous les enfants de la terre, de la mer du ciel sont à elle. Quand tous les enfants de la terre, de la mer du ciel sont à elle. Il me fonce dessus. Je n'ai que les mots tout beaux pour dénoncer les mots tout faux. L'arme des affamés, ceux qui n'ont plus de larmes. Mes mots ultra ciselés, des métaux les plus purs pour mieux les transpercer, qu'ils puissent mieux rendre l'âme, ces mots faits pour crever. Toutes les raclures immondes du bidet, les guilbettes, les bandes louches, les tarés, les mollas, les piétistes infâmes, leurs petits, petits charabia. Tous ces mots sont pour vous crever la gueule, pour vous éradiquer, pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Je n'ai que les mots tout beaux pour dénoncer les mots tout faux. Je n'ai que les mots tout beaux pour dénoncer les mots tout faux. Les mots samouraï. L'expérience qui fait que tu évolues bien, tu respires mieux sur scène, parce que ça c'est très important aussi la respiration. Donc après c'est l'expérience qui fait le grand comédien, mais en tout cas les écoles nous apprennent à avoir des bases solides et sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors lorsque tu es devant un texte, la collection se fait plus rapidement à cause du fait que tu as fait une école, donc tu sais comment aborder le texte. Je pense après, mais comme je te dis, c'est parce qu'il y a ces bases-là. Après, c'est l'expérience des pièces que j'ai faites qui fait que quand je lis un texte ou un autre, je sais vers où aller plus rapidement parce que j'ai de l'expérience là-dedans. On voit souvent, peut-être c'est positif, peut-être c'est négatif, ça dépend de certains, des actrices chanter. Oui. Est-ce que tu envisages aussi ce côté-là? As-tu appris la claquette à danser, à chanter? Alors, malheureusement, comme aux États-Unis, on apprend souvent dans les écoles à chanter, à danser, à tout faire. En France, on ne fait pas ça. On apprend que à jouer, entre guillemets. Donc, sur le côté, on fait effectivement des cours de danse, des cours de chant et tout. Moi, j'ai pris des cours de claquette, j'ai pris des cours de chant. Je sais pas pourquoi j'ai dit claquette, parce que toutes les actrices font de la claquette. Oui, mais c'est surtout parce que c'est très américain, ça. Mais... Mais moi, j'aurais adoré avoir une école. Il y en a un petit peu en France, mais elles ne sont pas aussi réputées qu'aux États-Unis. J'aurais adoré être dans une école où on apprend tout. Parce que comme ça, ça te fait des bases solides pour tout. Ouais. Et après, tu décides de les mettre en pratique. Voilà, de les mettre en pratique ou pas. Mais tu, en même temps, tu en as au fond du ventre, quoi. Et tu là, sais comment ça fonctionne. Donc, tu sais comment ça fonctionne. Mais là, bien sûr, moi, je... En tout cas, de faire des comédies musicales, des trucs comme ça, ce serait génial, mais il faudrait... Moi, j'apprends à chanter, donc c'est tout ça, c'est tout un apprentissage à faire, quoi. Mais je trouve ça bien, moi, j'aime bien, je trouve ça génial de savoir tout faire. Écris-tu des textes personnellement, et tu genre à écrire, non. Non, j'écris pas, moi. Tu n'as aucune facilité avec l'écriture. Non, c'est vrai que j'ai pas le truc de l'écriture, je trouve ça... Je suis très impressionnée par les gens qui écrivent. Par exemple, Messia, mon amie, elle écrit très souvent, elle écrit ses textes de chansons, et c'est vrai que je suis très impressionnée par ça. Moi, j'ai pas ce don-là de l'écriture, mais je trouve ça très difficile. Mais tu pourrais très facilement le rendre sur scène, le chanter, le mettre en bouche. Oui, parce que ça, c'est de l'interprétation. C'est ça. Alors, et l'interprétation, c'est pour ton côté comédien. Voilà, c'est ça. C'est pour le coup prendre un texte et le faire vivre. Parce qu'un texte, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du noir sur du blanc. C'est rien, ça n'existe pas. C'est quand tu le lis, c'est toi qui lui donnes vie. C'est pas le texte en lui-même. On s'en fout du texte en lui-même. Même tout seul, il est rien. Donc c'est la vie que tu lui influes. C'est quand tu le prends et que tu commences à lire le Bottin ou un texte de Victor Hugo, et ben toi tu lui donnes ta vie. Donc c'est un prêt entre les deux. Et puis voilà. Mais écrire, non, c'est plus difficile. Mettre en scène aussi, moi ce serait plus diriger des comédiens, la direction d'acteurs. De dire plutôt, alors va par là, va plus loin, vas-y, tu vois, des trucs comme ça. Pour le moment, moi, c'est surtout l'interprétation. Je voudrais approfondir ça pour essayer d'être une vraie bonne comédienne et être légitime là-dedans, quoi. Pour donner vie à une écriture, est-ce qu'on doit avoir vécu beaucoup de choses? Non, je pense pas. Alors ça, j'en sais rien. Parce qu'il y a des jeunes qui écrivent vraiment très bien. Parfois, on est impressionné par un petit mec de 15-16 ans qui te montre un de ses écrits. Tu dis, oh là là, et moi, je ne suis rien à côté de ça. Il a tout compris. En fait, c'est l'imagination et la sensibilité, je pense. Et encore une fois, l'observation. Il y a des gens qui observent très bien et qui savent retranscrire. Non, mais toi, lorsque tu joues, est-ce que tu crois sincèrement que tu vas avoir vécu beaucoup de choses pour recréer le texte? Je pense que, ce que t'apporte la vie, c'est toujours bien, pour le coup, parce qu'après, tu peux te resservir des expériences que tu as eues dans la vie, heureuses ou malheureuses, et tu vas essayer d'aller les rechercher pour les faire ressurgir, pour faire aller le sentiment avec le texte. Mais après, c'est l'imagination. Finalement, un acteur, c'est un menteur, puisqu'il te... Tu dis un texte, c'est un sacré menteur, puisqu'il passe son temps à te faire croire quelque chose qui n'est absolument pas vrai. Tu vois, quand il dit un texte, c'est pas lui qui parle, mais il le dit tellement avec une manière sincère. Il lui donne vie. Tu as l'impression que c'est lui qui parle, quand c'est bien fait. Hein. Mm-hmm. Et ça, c'est ça qu'il faut aller vers ça, je pense. Très, très bon menteur. C'est vrai. On disait souvent que les films de Claude Sautet, les personnages de Claude Sautet vivaient même après le film, après le récit. On les voyait, les personnages, dans les rues. Oui, parce que quand c'est très, très bien... Bah oui, parce que ça va avec l'observation, pour le coup. Il faut vraiment que le comédien et que la comédienne soient exceptionnels pour que les personnages vivent. Oui, vraiment, respire le personnage, pour le coup. La vérité aussi. Voilà, respire la vérité de ce qui est écrit sur le papier. Mais là, dans les écoles, on peut se tromper. On peut ne pas être bon. On peut, oui, bien sûr, oui. On peut même recommencer. Mais lorsqu'on te paye, tu as dit oui, tu te rends compte que ce que tu dois faire, tu le ressens pas. C'est pour ça que ce métier est très particulier, puisque dans les écoles, effectivement, on fait des essais. Mm-hmm. On fait des essais. Si ça marche pas, c'est pas grave. Quand on te paye et quand tu commences à travailler, c'est très cruel. Si c'est pas bon, c'est du lynchage, quoi. Après, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de travailler pour être ne serait-ce que dans la vérité. Parce que ça, si tu es vrai, on peut te dire, moi ça ne m'a pas touché, mais le comédien était très bon, il était très vrai. C'était juste ce qu'il faisait, il respirait le truc. Mais c'est pour ça qu'il faut être légitime, je dis toujours légitime sur scène, pour pas qu'on puisse dire, mais qu'est-ce que tu fous sur scène, t'as rien à y faire. Si tu es vrai, on peut pas tellement te critiquer. puisque toi, tu as ouvert ton cœur, et donc, normalement, ça devrait passer, quoi. Ce qui te plaît au théâtre, est-ce que c'est le côté vivant de maintenant, de l'instant où on est dans la salle avec oui, vous? Ça, c'est ce que j'aime dans le théâtre. Et par exemple, dans le cinéma, ce que j'aime, c'est que c'est tout ce qu'on peut faire avec une caméra, une équipe et l'histoire et les comédiens. Parce que c'est vraiment ça, le cinéma. C'est le travail d'une équipe entière qui va donner ce qu'on va voir et ce qui va donner, et le monteur et tout ça, et le son, la musique, qui va donner qu'on va avoir des émotions quand nous, en tant que public, on regarde le film. Et sur la scène, effectivement, l'interaction avec le public, de les sentir réagir, de les sentir retenir leur souffle, ça, c'est l'instant présent, et c'est un truc, effectivement, très, très particulier, qui n'appartient qu'à nous à ce moment-là. En même temps, je rencontre des comédiens et des comédiennes qui me disent oh, « Moi, je me consacre plus au théâtre parce que le cinéma, c'est de l'attente. » Attendre oui. Pour pas grand-chose, pour 2-3 minutes. Oui, c'est vrai. Mais c'est génial d'attendre dans ces moments-là. Il y en a qui sont pas parce capables. Que, hein, donc moi j'adore ça parce que tu attends, mais tu partages avec la maquilleuse, tu partages avec la costumière, tu partages avec les techniciens, tu les regardes travailler, tu regardes tout ce petit monde parce que c'est un microcosme passionnant. Tu les regardes travailler, tu les regardes s'énerver, tu les regardes tomber amoureux aussi parfois parce que sur les équipes, quand tu es 2 mois en tournage, il se passe des choses. Donc c'est un petit monde, c'est comme une espèce de famille qui pendant 2 mois partagent des émotions, et c'est un truc génial. La preuve, c'est quand on se quitte, dans ces moments-là, souvent on est déprimé pendant une semaine après, parce qu'on a perdu, on a eu une rupture avec une famille qui s'est faite très rapidement. Il y a eu des émotions qui ont été partagées d'une manière rapide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, et qu'il faut aller... Voilà, on est toujours pressé, et donc il faut aller au but tout de suite. Mais c'est ça qui est très passionnant, oui. Ich bin ein linkes Bein, ein Mann voll mit 5, 6, Stimmerland, das ist Stimmerland. Jan, Jan, gut und böse. Was mich umbringt, macht mich stärker. Früh durch den Punkt. Au! Es tanzt das ZNS, tanzt das ZNS, tanzt das ZNS, tanzt das Multivitamin. Nowe dni wciąż przynosi światu, mroczny jest, ponury jak noc, a ma tak wdzięczne imię Saturn, to czasu Bóg, Bóg naszych trosk. A ma tak wdzięczne imię Saturn, Bóg czasu, ten Bóg naszych trosk. Thank you. przez czas droga mu się dłuży. Odejmuje nam wnet wiosny blask, zanim ślad więdną w koło róże. Tak czasu Bóg zabija czas, zanim w ślad więdną w koło róże. Bóg czasu chce tak zabić czas. Właśnie dziś przyszedł i po ciebie, nie mogłeś już przed nim się skryć, więc mu się opłaciłeś srebrem, we włosach twych lśni srebrna nić. Więc mu się opłaciłaś srebrem, we włosach twych srebrna jest nić. Czar i róża jesienna, poetów już przyznał to rząd. Patrzę na ciebie i przysięgam, że nie kłamali, pisząc to. Patrzę na ciebie i przysięgam, nie kłamali, pisząc to. Chodź ze mną, ukochany, ogród nasz oblekła już rdza, a my wciąż jak zaczarowani, niech babie lato dalej trwa. A my wciąż zaczarowani, niech to babie lato wciąż trwa. Kres miłości naszej przetrwała tak wiele złych burz. Saturn chce, by klepsydry piasek przysypał ją niczym kurz. A ta mała z sąsiedniej klatki niech spada, nie zdziała nic już. Nowe dni wciąż przynosi światu, mroczny jest, ponury jak noc, a ma tak wdzięczne imię Saturn, to czasu Bóg, Bóg naszych trosk. A ma tak wdzięczne imię Saturn, Bóg czasu, ten Bóg naszych trosk. Przez czas droga mu się dłuży. Odejmuje nam wnet wiosny blask, zanim ślad więdną w koło róże. Tak czasu Bóg zabija czas, zanim ślad więdną w koło róże. Bóg czasu chce tak zabić czas. właśnie dziś przyszedł i po ciebie. Nie mogłeś już przed nim się skryć, więc mu się opłaciłeś srebrem. We włosach twych lśni srebrna nić. Więc mu się opłaciłaś srebrem. We włosach twych srebrna jest nić. Swój czar i róża jesienna. Poetów już przyznał to rząd. Patrzę na ciebie i przysięgam, że nie kłamali, pisząc to. Patrzę na ciebie i przysięgam, nie kłamali, pisząc to. Proszę chodź ze mną ukochany, ogród nasz oblekła już rdza, a my wciąż jak zaczarowani, niech bawię lato dalej trwa. A my wciąż zaczarowani, niech to bawię lato wciąż trwa. Prędki kres miłości naszej przetrwała tak wiele złych burz. Saturn chce, by klepsydry piasek przysypał ją niczym kurz. A ta mała z sąsiedniej klatki niech spada, nie zdziała nic już. Century he did stand. He saluted a fair maiden by a waving of his hand. And then he boldly kissed her and he passed it off as a joke. He drilled her up in a sentry box, strapped up in a soldier's cloak. And the drums are going a rockin' and the boys too loud he played. Fairly well, Polly, me dear, I must be gone away. All night they tossed and tumbled till the morning did appear. The soldier rose, put on his clothes and said, "Where are my dear?" And the drums are loudly beating and the voice is sweet to play. The word for that, pulling me there with you, I'd gladly stay. And the drums are going a rockin' and rockin' and the voice they loudly play. Fairly well, pulling me there, I must be gone away. If anyone comes a courting you, you can take them to a glass. If anyone comes a courting you, you can say you're a country lass. You don't have to tell them that you ever played this joke. That you got drawn in a sentry box, wrapped up in a soldier's coat. And the drums are going a rockin' and rockin' and the voice they loudly play. Fairly well, Polly, me dear, I must be gone away. Oh, come, me dear, I'm a soldier, won't you marry me? And I'm dearest Polly, this thing can never be. For I have a wife already, and children I have three. Two wives are allowed in the army, but one's too many for me. And the drums I go and I rock and I rock and I voice the loudly play. Fairly well, Polly, me dear, I must be gone away. Come here, gentlemen soldier, why didn't you tell me so? Your parents will be angry when this becomes known. And when 9 months had been and gone, the poor girl, she was shamed. She had a little militia boy and she didn't know his name. And the drums are going around and the voice they loudly play. Fairly well, Polly, my dear, I must be gone away. And the drums are going around and the voice they loudly play. Fairly well, Polly, my dear, I must be gone away. moi j'aime beaucoup ça aussi. Moi j'aime bien attendre. Attendre et regarder les autres et partager. Et puis tu peux aussi attendre en lisant un livre. Tu peux attendre en répétant ton texte. Tu peux, tu vois. Et puis encore à partager, tu attends en partageant avec des gens. Et donc en apprenant de l'autre. Et au cinéma ou au théâtre, lorsque tu as des retours d'un public qui dit « Ah, oh, moi, je me suis senti interpellé », comment tu réagis face à ça? Ben, moi, ça me gêne toujours parce que parfois, j'ai même une dame un jour qui est venue me voir. Je jouais une pièce dans un petit théâtre à Père-Lachaise et elle est venue me voir et elle a pleuré en me disant « J'ai eu l'impression, merci, j'ai revu ma vie ». Ça m'a beaucoup touchée, je me suis revue avec vous sur scène, j'étais vous, et elle pleurait, alors qu'est-ce que j'étais en face? Ben, ça m'a touchée, ça me donnait des frissons, parce que je me dis, j'ai failli pleurer avec elle, parce que c'est des émotions qu'on t'envoie comme ça, alors que toi, tu as fait ton travail, et tu as essayé de le faire bien, et quand tu as une personne en face qui pleure, bon, ben, c'est agréable, tu te dis, bon, j'ai réussi. Mission accomplie, j'ai touché une personne, voilà. C'est pas de toucher tout le monde, c'est voilà. Souvent, on dit, quand on nous apprend, au cours Simon, on me disait, Delphine, pour jouer, ça c'est pour qu'on nous entende aussi, mais pour jouer, il faut que tu penses, non seulement qu'on t'entende, mais à lancer tes émotions à la dernière personne au fond de la salle, qui est aveugle et sourde. Et si tu arrives à la toucher, elle, bah, t'as gagné. C'est pour ça qu'il faut vraiment transmettre, faut pas que ça aille au premier rang. Il faut essayer que tes émotions, ce que tu ressens, ça transperce toute la salle. Quoi. Et donc, il faut jouer avec sa voix. Aimerais-tu éventuellement avoir une émission de radio, faire quelque chose? Ça me fait peur, la radio. Okay. Je trouve que la radio, c'est encore plus intime que tout. Oui, parce qu'on parle dans l'oreille de la personne. Et je trouve ça très intime. Et pour moi, quand je fais une radio dans une émission et qu'on est dans un studio et que le micro est là, je flippe, j'ai toujours peur parce que j'ai l'impression de parler dans l'oreille de quelqu'un. Et donc, il y a une espèce de promiscuité qui est tellement intime qui me fait peur. Mais je pense que avec de l'expérience et... parce que moi j'écoute beaucoup la radio, donc je me lève avec la radio. Voilà, c'est ça, c'est Paris quoi. J'écoute bien France Inter, France Culture, FIP et Nova, j'aime bien aussi. TCF Jazz, j'adore. Ok, ah, t'aimes le jazz? TSF Jazz, oui, j'aime bien. Ok. Ouais. Donc voilà, j'écoute ça, j'aime bien les voix aussi, sont très importantes en radio, je trouve. Il y a des voix comme ça qui te mettent dans une ambiance sur TSF. Ouais, ça te met toujours dans une ambiance jazz. Bonjour, ça j'adore. Là, t'as le goût de préparer un petit repas, d'allumer des bougies, de déboucher une. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, et c'est, tu te sens pas capable, toi, de prendre cette initiative-là de. Si, je m'en sens capable, mais encore une fois. C'est en France, mais je peux pas dire tiens j'ai envie de faire de la radio, tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie de faire ça, parce que on t'ouvre pas les portes. Donc moi pour le moment on m'a laissé une petite place dans le théâtre, il faut que j'approfondisse ça pour le faire bien, et puis un jour peut-être on me donnera plus d'opportunités et on me laissera essayer de la radio, des choses comme ça, du cinéma, bon, j'espère bien, de la radio aussi, c'est une histoire d'être journaliste aussi, parce que t'es journaliste, toi. Non. Parce que pour moi, pour le coup, j'ai toujours pensé que les gens de radio étaient à la base des journalistes, puisque c'est ça, normalement, c'est de l'information. Donc, pour moi, il y a une grosse formation derrière, justement, où tu peux pas te dire, tiens, je vais faire de la radio. Je trouve que c'est un métier aussi qui s'apprend. Donc, pour le moment, sauf si j'apprends et qu'on m'apprend, ça j'aime bien apprendre de toute façon, donc c'est vrai que ce serait bien. Lorsque tu joues au théâtre, as-tu cette vision-là que quelqu'un pourrait te regarder pour éventuellement te contacter pour une autre? Non, parce que sinon tu meurs, hein. Tu meurs de peur. Tu l'espères quand tu es en coulisses, ou après, tu te dis, ah, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'important qui un jour me proposera quelque chose qui me plaira, mais si tu penses à ça sur scène, mais tu meurs. Bah non, parce que tu dis, oh, j'ai mal dit la phrase, c'est horrible, donc t'es plus du tout dans ton rôle. Si tu ne fais que penser à ce qui se passe autour, tu ne t'abandonnes pas, et donc tu peux pas faire passer ce que tu veux faire passer dans le cœur des gens. C'est bizarre ce que tu disais, parce que dimanche, Michel Bouquet était sur une pièce, regardait une pièce où on voyait Francis Huster. Oui, bien sûr, ouais. Oui. J'étais là. L'affrontement? Oui, avec David. Là. Oui, mais Michel. Oui, il était dans la salle. Oui, ouais, et, je sais, ouais. Il ne le savait pas. Francis Huster ne le savait pas. Ben, ça, c'est génial, heureusement et pour lui. Et lorsque les lumières se sont allumées, il était à l'arrière de moi. Moi, je ne savais pas, il est arrivé après que les lumières se soient éteintes. Donc, on lui a préparé une chaise, il est avec sa femme. Et quand il a vu la lumière, puis Michel Bouquet, il dit, à une certaine époque, on nous disait, lorsqu'une grande vedette de théâtre était là, attention, lui jouait dans la salle. Alors, on en mettait davantage. Et heureusement que ce soir, je n'ai pas su que Michel Bouquet était là. Là, il y a eu une ovation de 10 minutes. Donc, mieux vaut pas savoir qu'il y a quelqu'un de prestigieux. Mais non, parce que ça fait peur. Qu'on se dit, mon Dieu, j'ai un maître dans la salle, je vais pas réussir à être bien, alors que si, tu sais pas. As-tu vu la pièce? Non, je ne l'ai pas vue, je jouais, donc je n'ai pas pu la voir. Mais je vais y aller parce que je connais bien David, qui joue dedans. Et je vais aller l'applaudir, bien sûr. Incroyable, incroyable. Et on se rend compte qu'une pièce est réussie quand les personnages coulent de source. Bien quand sûr. Tu dis, c'est du théâtre, donc tu dois projeter. Puis en même temps, c'est tellement bien joué et jamais trop exagéré, parce qu'au théâtre, on dit, il faut, tu sais, dans les années, bon, on dit, il faut que tu projettes le dernier au fond, on doit comprendre, puis en même temps, tu dis, aujourd'hui, on fait du théâtre en 2013 en jouant beaucoup avec l'intensité et surtout l'intimité. Oui, l'intimité, donc, oui. on n'en donne pas trop. Non, c'est sûr, oui. Il faut quand même en donner assez. Mais c'est particulier. Mais après, ça dépend aussi des salles, parce que si la salle est... Et très très très grande. Oui, je connais bien, mais si la salle est très très très grande, bah, t'es obligé de projeter un peu plus. Mais c'est sûr qu'il faut toujours. Mais ça revient toujours à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on va vers la vérité. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est plus tu es vrai, plus tu es dans l'intimité et plus t'es troublé en tant que spectateur. Mais en même temps. Trouves-tu que la personne qui te lance la répartie est très importante aussi? Regarde, quand c'est Francis Huster, c'est quand même... C'est génial. C'est du lourd, parce qu'il joue, mais en même temps, c'est pas du jeu, c'est de l'amusement. Et oui, c'est ça. Après, quand t'as quelqu'un qui est un peu moins fort en face, bah, t'imagines. Ouais. T'imagines qu'il est génial, et puis voilà. Tu fais comme s'il te lançait la réplique à la perfection, et puis voilà. Mais c'est sûr que quand t'as quelqu'un comme Francis Huster ou comme Gérard Depardieu en face de toi... Bon, bah, t'es obligé d'être bon, finalement. Oui. Parce qu'il t'envoie. Tu te laisses aller avec lui, t'es porté. C'est vrai. Et donc, c'est bien également de s'appuyer sur l'autre, mais pas trop. Parce que, quand t'es avec un grand comédien, c'est bien, je trouve. Parce que tu t'appuies sur l'autre et tu te laisses aller avec lui, comme ce qu'on vient de dire. Après, tu fais ce que tu peux quand c'est moins bien. We'll be right back.

Je suis le petit chevalier avec la terre des sous mes pieds. Je ne peux pas me frayer. Je suis le petit chevalier avec le ciel dessous mes yeux. J'irai te visiter. J'irai te visiter. Chers amis, si je vous ai bien compris,